m'entends ? Je t'écoute. Et non pas J4 écoute. Ah ouais. Pop up the volume, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. J'entends pas. Je sais pas ce qu'il faut jouer à la basse. Vas-y, mets-moi la basse. Fais-moi écouter la basse. Fais-moi écouter la basse. Mm-hmm. Merde, je fais les fautes. Ouais, c'est bon ça. J'adore. fan de Jamiroquai. J'adore Jamie O'Cry en plus. Là, tu m'as fait plaisir. Là. Putain, mais bon, bassiste de Jamie O'Cry. C'est le bassiste de Jamie O'Cry. Oh, c'était bon. Avant de reprendre le travail, ça fait du bien. Ouais, bye bye. Ouais. Ouais, je travaille lundi. Accorder ma basse. Attends, je vais essayer un truc. Je suis pas sûr que c'est 90, tu vois. C'est pas ça, merde. Attends. Ça a pas marché. Je vais essayer un truc. C'est là. Merde, c'était pas ça. Putain, il n'y a plus le morceau que j'ai fait tout à l'heure. Bah, c'est pas ça alors, c'est 95 alors. J'arrive pas à trouver le tempo du morceau que je voulais faire. Parcourir. Attends. Pas trouvé le tempo. C'est 100 alors. Je suis en train de chercher un truc. Ah, je trouve pas. C'est pas ça. 105. 95. Excuse-moi, hein, je m'amuse avec le tempo. Attends, I'm sorry. I am looking for a song. Putain, mais il est où ce morceau? Ah, c'était sur quoi? J'ai essayé quoi? 100, 95, 85, 90, 80 alors. J'ai essayé 80. Je cherche un truc. Ah, mais ça marche plus. Attends. 80-84. Patience. Putain, mais il est où ce morceau? Non, mais je trouve pas. Ah oh, putain, je l'ai fait en quoi? Ah, mais attends. Putain, je trouve pas. Bizarre ça. J'aurais tout essayé. Ça marche plus. C'est pas que... Ben j'ai perdu le morceau. Je comprends pas. 85. Bon, mais je réessaye 80. Je trouve pas le morceau, putain. Ah, je sais pourquoi. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. I understand why. C'est 85. Et faut que j'aille dans cette piste là. Non, c'est pas ça. Putain, mais c'est quoi? 80. Il est fou lui. Il est fou. Est-ce que c'est 80? Ah, il est pas. Ah si, ça y est. I found this. It's a song. Myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking what I wish, let it be. In my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking what I wish, let it be. Oh, ça coupe. By myself in time of trouble, Mother Mary. Quoi, ça coupe là? Speaking what I wish, let it be. In my arms, myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking what I wish, let it be. In my hour of darkness, she's standing right in front of me. Speaking what I wish, let it be. Ah, ça me le coupe le truc, putain. Pourquoi ça me le coupe ça? And when I disclose, merde. Let it be, oh let it be.